Chapitre 6. L'expression du lieu. Unité 35. À, en, de, avec les noms de villes, pays et continents. Tu viens d'où ? Je suis née au Kenya, mais j'habite en Angleterre, à Londres. 3. Prononciation et orthographe. On fait la liaison avec en, en, o, aux, et d, des. Il habite en Angleterre. Il est né aux États-Unis. Il revient des Antilles. On ne fait pas la liaison avec en, en, devant un nom de pays qui commence par un H. Je vais en Hongrie.